Au fond de tes yeux, ride la surface. Tout au bord de l'aveu, puis en perdre la trace. Parle-moi, parle-moi de toi. Parle-moi, parle-moi de toi. Il s'en fout d'un cheveu que ne se brise la glace. À la folie un peu plane la menace. Parle-moi, parle-moi de toi. Parle-moi, parle-moi de toi. Avec le feu, le fondre dans la masse. Si un et un font deux, dis-moi qui s'efface. Parle-moi, parle-moi de toi. Parle-moi, parle-moi de toi. Parle-moi, parle-moi de toi. Parle-moi, parle-moi de toi.